الحمد لله الحمد لله رب العالمين لروج تاديو سينيور ديز اونيفير واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين اجاتس كين يا اوكين ديفينيتي ا بار ديو توتور دي فيرتيو واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الامين اجاتس كو نوتر ميتر اي بيان ايمي محمد اي لونفويي دو ديو سانسير اي فيريديك سيدي امير الانبياء Maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujum is-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal is-sahra, et au nom des sables du désert, wa awladi adama wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd, ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat fi l'islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. أيها الإخوة قبل البداية تزاحموا يرحمكم الله تعالى وتبارك املأوا كل الفراغ يرحمكم الله تعالى وتبارك ولينوا في أيدي إخوانكم. سأتكلم اليوم عن بعض مشاكل المسلمين في عصرنا. Je vais parler aujourd'hui de quelques l'un des problèmes que vivent les musulmans à notre époque. المشكل الأول ومع الأسف في هذا اليوم لن أتكلم إلا عن هذا المشكل فالوقت لا يسمح لذكر غيره من المشاكل. Le problème numéro 1 et malheureusement aujourd'hui le temps ne le permet pas, je vais parler uniquement de ce problème. إن بقينا بالحياة سنتكلم عن مشاكل أخرى dans le cas où restera en vie, on parlera d'autres problèmes. سألني شباب فقالوا. Quelques jeunes m'ont posé la question. شاب مسلم يعيش علاقة محرمة مع شابة مسلمة من غير زواج. Un jeune musulman qui vit une relation interdite islamiquement avec une jeune musulmane en dehors du mariage. ومن غير علم والديها et sans que ses parents soient informés, c'est-à-dire les parents de la fille. وحملت الفتاة et la fille est tombée enceinte. يعني هذه القضية صارت أمرا عاديا, ceci est devenu une chose ordinaire. يعني لا أسمعها مرة ولا مرتين مرتين ولا ثلاثة. يعني كثير من الآباء يشتكون والدموع في أعينهم من هذا المشكل أو كثير من الشباب يأتون ويقولون هذا الكلام. Beaucoup de parents se plaignent avec les larmes aux yeux de ce problème ou bien beaucoup de jeunes qui viennent et qui me parlent de ça. ويريد أن يعرف هل الزواج يكفر عن الزنا. Et ce monsieur cherche à savoir est-ce que le mariage va être une expiation de l'adultère, de la fornication. Est-ce que le mariage va effacer en quelque sorte le péché qui s'appelle l'adultère ? يعني إذنك ما تشاء ثم تزوج بالفتاة, ça veut dire fais la fornication comme tu veux et après marie-toi avec la jeune fille. Et le mariage va effacer ce qui précède, va effacer l'adultère. Ainsi il a compris. Et ainsi ont compris beaucoup de jeunes, hommes ou jeunes femmes. Et je rappelle la parole de Dieu, la parole sacrée dans ce verset coranique. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة, مش ذنبا, كان فاحشة وساء سبيلا. N'approchez pas la fornication. C'est un acte immoral et une voie pernicieuse. Allah لم يقل ولا تزنوا. Dieu n'a pas dit ne forniquez pas. بل قال ولا تقربوا الزنا. Mais Dieu a dit n'approchez-vous pas de la fornication. فالحرام ليس الزنا وحده. L'interdit en islam n'est pas uniquement l'adultère. بل كل ما يقرب من الزنا فهو حرام لأن الله قال لا تقربوا. ما تقربوش. أي حاجة تقربكم حرام. Donc tout ce qui approche de l'adultère est interdit en islam et non pas uniquement l'adultère. بل مقدمات الزنا حرام. Plutôt toutes les préambules de la fornication sont interdites en islam. النظرة, le regard. الابتسامة, le sourire. الكلمة العذبة الحلوة بقصد الوصول إلى الزنا. La parole douce, la parole sucrée, avec l'intention d'arriver à la fin à l'adultère. الكلام في الهاتف, la conversation téléphonique. الكلام في الويب, la conversation par le biais de l'internet. الخلوة, être seul, à seul avec une fille. المس, le toucher, إلى آخره, etc. كل هذا حرام. Tout ça est interdit. Et autre chose. فالزنا حرام لأنه فاحشة تؤدي إلى سبيل سيء. ساء سبيلا. ساء طريقة. إلى طريق سيء. إلى طريق مسدود. L'adultère est interdit parce que c'est un acte immoral, hautement immoral, qui mène vers un sentier mauvais. سبيل جهنم, يؤدي سبيل جهنم, qui mène vers le sentier de la GN. سبيل اختلاط الأنساب, qui mène vers le mélange de la lignée. On ne sait plus qui est le père de celui-ci. Il faut faire des actes, il faut faire des analyses, etc. On ne sait plus qui est le fils ou la fille de qui. Al-amrad al-khatira, les maladies dangereuses, le sida et autres. Al-i'tida al-a'rad, l'agression contre l'honneur des familles. Al-jinaya al-a'ulad al-zina, et commettre le crime de faire naître des enfants d'adultère. إلى آخره, etc. الزنا في الإسلام كبيرة من الكبائر. L'adultère en islam est compté et considéré comme une énormité parmi les énormes péchés. فالأصل المسلم لا يقرب الزنا. En principe, le musulman ne s'approche pas de l'adultère. يخاف من الزنا, il a peur de la fornication. لا يفكر في الزنا, il ne pense même pas à la fornication. يرتعد أمام كلمة أو فكرة الزنا. En principe, le musulman, la musulmane tremble devant le mot ou l'idée de la fornication. وكلامنا بطبيعة الحال عن المسلم. Normalement, moi, lorsqu'on parle ici, on ne vise que celui qui est musulman. الذي آمن بالله. On ne s'adresse qu'à celui qui a cru en Dieu. وآمن بالقرآن. On ne s'adresse qu'à celui qui a cru au verset coranique. أما غير المسلم فهو حر يفعل ما يشاء. Mais le non-musulman, il n'est pas visé par ce qu'on dit. Il est libre. Il fait ce qu'il veut. وكلامنا لا يعني. Et notre parole ne le concerne pas, parce qu'il n'est pas musulman. Et on demande à Dieu de le guider vers l'islam. On est sur Allah là où l'idée. وأعودوا إلى المسلم. Et je reviens vers le musulman. أو المسلمة ou la musulmane. ضعيف الإيمان. Ce musulman, cette musulmane qui a une foi faible dans le cœur. لأقول له. Pour lui dire. كيف أخي أختي. Comment frère ou sœur. تقوم بالزنا. Tu accomplis l'adultère. Tu fais la fornication. كيف تجلس في مكان وحدك مع امرأة ليست زوجتك. Comment peux-tu t'asseoir dans un lieu face à face avec une femme, avec une jeune fille qui n'est pas ta femme. كيف تجلس مع رجل ليس زوجك في مكان وحدك معه. Comment sœur, tu t'assois dans un lieu cela seul avec un homme étranger à toi qui n'est pas ton mari. Kayfa tarfa'u yadaka allati a'taka Allah. Ô mon frère, comment tu peux lever ta main que Dieu t'a donnée? Tarfa'u yadaka amam Allah. Tu lèves ta main devant Dieu. Wa tada'u al-yada 'ala jismi imra'a harramaha Allah 'alayk. Et tu poses ta main sur le corps d'une femme que Dieu t'a interdit. كيف تتركين رجلا غريبا يضع يده ويمس جسمك يا اختي. Oh ma sœur, comment tu laisses un homme étranger à toi qui lève sa main, qui la pose sur ton corps et qui touche ton corps. جسمك يا اختي امانة من الله عندك. Ton corps, oh ma sœur, est un dépôt de Dieu auprès de toi. اين الايمان. Où est la foi? Aïn al-khawf min Allah? Où est la peur de Dieu? Aïn al-haya'u min Allah? Où est la pudeur vis-à-vis de Dieu? كيف يا أخي تنزع ثوبك وتتعرى أمام امرأة أجنبية؟ Comment mon frère, tu te déshabilles devant une femme étrangère? كيف يا أختي تنزعي ثوبك أمام رجل أجنبي. Comment ma sœur, tu oses te déshabiller, montrer ton corps à un homme étranger? Wallahi, wallahu, wal malaika yanzuruna ilaykum. Dieu et ses anges, pendant cet instant-là, sont en train de vous voir. Lamma yamassu al-wahidu al-akhar, innama yamassu jimara jahannam. Lorsque quelqu'un touche l'autre, il touche, peut-être il trouve le désir, le plaisir, etc. Mais en réalité, il est en train de toucher les braises de la GN. كيف تزني زنية تندم عليها طول حياتك. Comment, frère ou sœur, tu accomplis une seule fornication que tu vas regretter pendant toute ta vie? Wa ba'da mamatik, et même après ta mort, tu vas la regretter. Wa la taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Et n'approchez-vous pas de la fornication. C'est un acte immoral et une voie bien mauvaise. Aqal musiba fi zina. Le malheur le plus bas qui se trouve en adultère, an zani yatazawwaj bi zaniya. C'est que le fornicateur, à la fin, il va épouser une fornicatrice. Yaqum ma'a bi 'alaqa muharrama sana. Sanatayn, il fait avec elle, avec cette jeune femme, une relation interdite qui va durer un mois, une année, deux ans. Wa min ba'd yatazawwaj biha. Et après, il va se marier avec elle. Aqul, limadha lam yatazawwaju mundh al-bidaya. Je dis, pourquoi ne sont-ils pas mariés dès le début? Pourquoi ils n'ont pas fait le raccourci? Pourquoi ils n'ont pas pris le raccourci qui est le mariage? وَيَعِشُ فِي الْحَلَالِ. Ainsi, ils allaient vivre dans le halal. قَالَ تَعَالَ. Dieu dit dans un verset coranique, الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكًا. الَّذِي يَزْنِي لَا يَنْكِحُ لَا يَتَزَوَّجْ إِلَّا زَانِيَةً. مثله. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. هكذا يقول الله الذي يعرف كل شيء. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. والزانية سيتزوجها زاني مثلها أو مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين. هكذا يقول الله تعالى وتبارك. وحرم الزنا على المؤمنين وعلى أولاد المؤمنين وعلى بنات المؤمنين. Dieu dit, le fornicateur n'épouse qu'une fornicatrice ou une associatrice, et la fornicatrice n'est épousée que par un fornicateur ou un associateur, et cela a été interdit aux croyants, interdit aux croyants, et aux filles des croyants, et aux fils des croyants. Tazni bi banati muslimi, tu fais l'adultère avec des filles de musulmans, fil akhir tatazawwaj bi zaniya. À la fin, tu vas te marier sûrement avec une fornicatrice. Atarda an takuna zawjatuk um awladik zaniya. Acceptes-tu que ta femme, la mère de tes enfants, soit une fornicatrice? Akhi ukhti, frère ou sœur, min al-awwal, dès le début, la tadkhul bab az-zina, n'entre pas, n'ouvre pas la porte de la fornication. Udkhul bab az-zawaj, entre par la porte qui est à côté, qui s'appelle la porte du mariage. Qultu lish-shabab, j'ai dit aux jeunes, qulu li hadha ash-shab, dites à ce jeune, takhayyal al-musiba, imagine le malheur, lamma ya'rif al-abu al-muslimu أن ابنته كانت تزني معك. Imagine le grand malheur lorsque le père musulman va savoir que sa chère fille forniquait avec toi. تخيل لما يعرف الأب المسلم أن ابنته حامل من غير علمه بطريق الزنا. Imagine le grand malheur qui va toucher ce père musulman lorsqu'il va apprendre que sa fille est enceinte par le biais de l'adultère qui est haram. Takhayyal musibatahu, imagine son malheur. Takhayyal alamahu, imagine sa douleur. Takhayyal dumu'ahu, imagine ses larmes. Takhayyal huznahu, imagine son chagrin. Takhayyal surakhahu fi bukaihi wahdahu, imagine ses cris pendant ses pleurs lorsqu'il est seul. Qulu li hadha ash-shab, dites à ce jeune, هذا هو الذنب الذي قام به. Tel est le crime, tel est le péché qu'il a commis. والآن نعم يتزوج بهذه الفتاة. Et maintenant on lui dit, oui, tu dois te marier avec cette jeune fille. هذا هو الحل. Telle est la solution. Qui va l'accepter à part toi? Tu as créé un problème, résous-le. والابن ابن الزنا, et le fils, l'enfant d'adultère, ibnuhum, et le leur enfant. Ibn Zina, la yarit fil islam, wa la yuwarrath. Le fils d'adultère n'a pas le droit à l'héritage en islam. Il n'hérite pas de ses parents, et ses enfants n'héritent pas de lui. Huwa ibnuhum jiniyan, il est leur fils génétique. Génétiquement, c'est leur enfant. ولكن ليس ابنهم اسلاميا, mais islamiquement il n'est pas leur enfant. الاسلام لا يعترف بهذا الابن, l'islam ne reconnaît pas cet enfant. هذه هي العقوبة, telle est la sanction, telle est la punition. ولكن ابن الزنا بريء, mais l'enfant d'adultère est innocent. لم يقم بذنب, il n'a commis aucun péché. فعليهم الإحسان إليه, ils doivent être bienveillants à son égard. وحسن تربيته, ils doivent bien l'élever et l'éduquer. وعليهما بالتوبة النصوح, et ils doivent accomplir ce qu'on appelle le repentir sincère. وأمرهما إلى الله, et le ressort revient à Dieu, la décision revient à Dieu. Insha'a afa, s'il veut, il peut pardonner. Wa insha'a adab, mais dans le cas contraire, il peut punir. Wa fil akhir, usikum wa nafsi bi taqwallah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله, après ceci serviteur de Dieu, أقول للآباء وخصوصا الآباء, je dis aux pères et surtout aux pères, إننا في عصر صعب جدا جدا جدا. On vit actuellement dans une époque très très très difficile. وفي مجتمع الزنا حلال فيه, et on vit dans une société dans laquelle la fornication est permise. فمن عنده بنت, celui qui a une fille, une jeune fille. وجاءه رجل يخطب, et un de ces jours, un homme, un jeune homme se présente à ce père pour demander la main de sa fille. فليقبل, je lui dis, tu dois accepter, qu'il accepte l'offre. إن كانت الفتاة راضية, dans le cas où la jeune fille agrée ce mariage, accepte elle aussi ce mariage, le père doit accepter. لا تحاول أخي أن تطبق عادات القرون الماضية في عصرنا. Je lui dis, frère, n'essaie pas de pratiquer les habitudes, les traditions d'autres siècles à notre époque. لا يمكن أن تطلب من ابنتك أن تبقى بلا زواج حتى 25 سنة في هذا المجتمع أو أكثر. Tu peux pas demander, mon frère, à ta fille de rester sans mariage et de rester chaste et de rester pieuse jusqu'à 25 ans plus dans notre société à notre époque. ولماذا ستبقى عرضة للخطر؟ Et pourquoi tu veux laisser ta fille exposée au danger؟ الناس في الماضي كانوا يزوجون البنات الصغيرات. Au passé, lointain, les hommes mariaient leurs filles à bas âge. وكان العفاف, il y avait l'islam, il y avait la religion, il y avait la piété. من اللي ما بقاش هذا الشيء كله؟ أنت تحب تخليها 25 عام؟ Et maintenant qu'il n'y a plus la piété, il n'y a plus les habitudes d'autrefois, tu veux garder ta fille jusqu'à 25 ans. Wa aqul lil aba, et je dis au père, idha ataka muslim wa bintuka qabila wa turiduhu, dans le cas, mon frère, où un musulman se présente à toi pour demander la main de ta fille pour le mariage et ta fille l'accepte, ou peut-être elle le connaît même et elle le veut, iyyaka an tu'arid, méfie-toi de t'opposer à ce mariage. Zawij, marie-les, wa barik zawaj, et demande la bénédiction de Dieu pendant ce mariage. Fazawaj ou ahsan, le mariage, wallahi, est mille fois meilleur. La tarfud, liannahu laysa min baladika al-asli, ou liannahu, ou li muslim, tfaddal sidi, rifuk. Ne refuse pas parce que ce, il n'appartient pas à ton pays d'origine, il n'a pas la même nationalité, la même couleur, etc., etc. Ta fille accepte, marie-les. Al-muhim annahu muslim. L'essentiel, c'est un musulman. Wa fil akhir, et à la fin, idha ibtalaka Allah, dans le cas où Dieu t'éprouve, wa ataka shabun, wa ataka shabun, يريد أو ابنتك حامل منه من غير زواج. Dans le cas où Dieu t'éprouve et un jeune vient à toi, sachant que ta fille est tombée enceinte à cause de lui sans mariage, فزوج ولا تقول لا, marie-les et ne dis pas non. ابن زنا واحد خير من اثنان وثلاثة, un seul fils d'adultère est mieux que deux ou trois. Une courte durée, un an, deux, dans le haram, est meilleure qu'une vie dans le haram. يعني سنة أو سنتين من الحرام أحسن من حياة كلها من الحرام. إذا رفضت فتدفع بنتك تبقى حياتها كلها في الحرام. لا تفعل هذا يا أخي. ونسأل الله التوفيق ونسأل الله السلامة للجميع. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا